Le club aéronautique partant Corée contribue à populariser le sport aéronautique. Par exemple, le club de la ville de Pyongyang offre aux travailleurs, jeunes et enfants, le service de logiciels de divers types pour les aider à perfectionner la commande de l'aéromodélisme téléguidé. Le club rend également le service de commande des aéromodélismes facile à commander et fortement stable dans plusieurs endroits de la ville comme le stade 1er mai et la place du palais des sports de Pyongyang. Il a également terminé les préparatifs pour le service de parachutage. En outre, le club perfectionne plus scientifiquement l'enseignement et les entraînements des spécialistes pour ainsi développer les techniques de sport aéronautique.